Je fais pour la mallette. Dans ta gueule, j'ai de mauvaise humeur. Dans mon crâne, y'a comme une tumeur. Hier j'ai fait du sale, aujourd'hui j'assume. J'suis inspiré par le mallette. Ou par les gros joints que j'fume. Yeah, quand le joint se consume, j'aille, j'suis sur la ligne. D'un coup, tu s'éteins dans ma tête. J'ai des pensées pas nettes. J'suis sur une autre planète. J'm'imagine sur mon trône. Et puis j'perds le contrôle. Comme si j'lâchais la manette. Mes souvenirs me pèsent. Quand que j'pense au pèse. J'fumé, ça m'apaise. J'fumé, j'pense à elle. Mais quand j'regarde mon tel, c'est une autre qui m'appelle. Un peu d'armes avec elle. J'arrête peut-être pas du laquelle. Maintenant elle a la haine. J'vais pas te faire de paix. J'passe mes semaines dans la pièce. Week-end dans la guest. Pollen dans la veste. J'suis la hesse comme la peste. Je le fais pour la mallette. Inspiré par le mallette. J'ai pas trop le temps de rigoler. Baby, j'suis désolé. J'aime trop les femmes. Olé, olé, collé. Serré, serré, collé. Baby, j'suis désolé. Baby, j'suis désolé. J'ai pas le temps pour les allo. Allo, allo, baby, hello. Hello, j'suis désolé. Désolé, j'suis au boulot. J'allume un joint de dans le télo. Chaque mail, j'vois au boulot. Je me noie, je sens que je coule. Je me noie la tête sous l'eau. Rempli, passe la mallette. Faut que je mette ma main pas à l'abri. J'ai le visage et le sommeil amer. La petite voix qui me dit nique sa mère. Je renvoie l'ascenseur à ma mère. Faut que je sorte de cette galère. Je multiplie mon salaire. Un peu perdu, je suis tiraillé. Tout graillé, tout mitraillé. Pas le temps de brailler. Je pète une putain de canette. Je roule une putain de baguette. Je vais chercher la mallette. Je le fais pour la galette. Je le fais pour la mallette. Je vais chercher la mallette. Je passe mes semaines dans la pièce. Week-end dans la guest. Pollen dans la veste. Je suis la hesse comme la peste. Je le fais pour la mallette. Inspiré par le mallette. J'ai pas trop le temps de rigoler. Baby, j'suis désolé. J'aime trop les femmes. Olé, olé, collé. Serré, serré, collé. Baby, j'suis désolé. Baby, j'suis désolé. J'ai pas le temps pour les allo, allo, allo, baby, hello. Hello, j'suis désolé. Désolé, j'suis au boulot. J'allume un joint de dans le télo. Chaque mail, j'vois au boulot. J'me noie, j'sens que j'coule. J'me noie la tête sous l'eau. J'passe mes semaines dans la... Je fais pour la mallette.